réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Cher auditeur de CISM, tu écoutes Critique de Crowd sur les ondes de la marge CISM, le 89.3 FM. Critique de Crowd, ben c'est moi ça, enchantée tout le monde, c'est Jolaine Ruest, c'est la première fois que tu écoutes l'émission. Ben ça donne que tu vas avoir de la variété, parce que oui, je critique les foules, je t'observe, j'essaye de te comprendre et surtout de t'apprécier. Et c'est beaucoup de variété cette semaine, puisque pour les habitués de l'émission, sache-le, je ne critique pas nécessairement tous les spectacles que je vais voir ou j'en ai trop à dire et c'est un peu un spécial, tout ce qui reste de 2016. Alors, du récent, puisque samedi dernier, je suis allée voir Joe McMahon au School Central. Il y avait aussi Noé Talbot en première partie. Et ben il y a toujours des péripéties entre tout ça. Fait que je te compte ça avec. C'est bien magique. Et sinon, écoute, retour sur le Newspeak, piste de danse. Et je vais aussi te parler de région, puisque cet été, je suis allée au Rock Stage Café. Ah là là, c'est de la nostalgie, puisque la dernière fois que j'étais allée, ben je crois que j'étais dans les 19 ans. Fait que c'était déjà un peu lointain dans ma tête. Et autrement, ben écoute, quand je suis allée au Rock Stage Café à Trois-Rivières, ben c'était pour voir Albatros et Nouchou, fait que je t'en jase aussi. On va commencer tout de suite en musique parce que, étant donné que le spectacle était au School Central samedi dernier, ben j'aime bien ça être thématique et c'était l'occasion d'écouter la merveilleuse Crown, une chanson de Les Indiens. crâne du groupe Les Indiens sur les ondes de CISM. Et vous écoutez Critique de Crowd jusqu'à 4 heures. Et dans l'épisode précédent, oui, pour ceux qui... Et, ben, au moins, ils ont écouté l'émission de la semaine dernière. Ben oui, je mentionnais comment, je sais pas, je trouve qu'il y a un karma de métro à Montréal, ou du moins, Rollin, Critique de Crowd, ce mélange de tout ça, fait que j'aime la foule, et la foule me le rend bien, quel que soit l'endroit, et les sous-sols montréalais, ben, ils sont pas pire pratiques pour ça. Et, je ris déjà parce que ce fut l'antithèse complète avant d'aller voir Joke McMahon au Skull Central, mais ouais, pas mal l'inverse. Ça se passe pas toujours. La joie, le partage. Ouais, si vous avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, en gros, je faisais juste compter qu'il y a un gars qui changeait sa vie complètement. Il m'a partagé ça dans le métro pendant qu'il tenait un tabouret, puis une fille m'a offert une bière. Puis je trouve que c'est des beaux anecdotes, tu sais, de faire confiance à l'inconnu, puis d'y jaser, puis c'est beau, c'est simple. C'est compliqué. Joie, joie, papillon. Fait que bref, tu vois, je vivais comme vraiment comme le film d'Amélie Poulain avec beaucoup trop de bonheur. Et ça m'amène aussi au concept de se mêler de la vie des gens. Parce que ça m'est déjà arrivé l'inverse dans le métro, dans l'optique où les gens peuvent être tristes. Et je décide, oui, de vérifier s'ils vont bien. Et je sais pas la limite dans tout ça. Parce que, ben, c'est pas de mes affaires, mais en même temps, on vit en société, puis le bien-être de chacun, ben, je me dis, juste un petit check-up, tu sais, t'as-tu besoin d'un Kleenex? Juste, est-ce que t'as un endroit où dormir cette nuit? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as besoin d'aide? Puis, ben, c'est sûr qu'à la limite de moi, en tant que citoyenne, je vais essayer de faire un petit quelque chose. Peut-être sera-t-il superficiel, peut-être sera-t-il inutile même comme action, mais au moins, j'aurais prouvé que je ne suis pas indifférente de ta situation, parce c'est le cas, je veux dire, tu broyes dans le métro, je suis pas indifférente. Et oui, les autres moments dans ma vie, ça avait été... Ben, pas que ça avait marché, mais ça avait été... écoute, donne un Kleenex à une fille qui pleure au métro La Concorde. Je sais pas, moi, j'ai aucune idée pourquoi pleurer, mais je me suis dit, écoute, au moins, elle va arrêter de broyer dans sa manche. Et d'autres fois où c'était un peu plus particulier, comme, je pense que j'étais métro vers la ligne orange, puis c'est un punk crusty qui tient son affiche comme, il est trop laid pour se prostituer, mais en anglais. Puis, ouais, là, j'essayais de parler en français, puis là, c'était vraiment niaison, on se comprenait pas. Puis, j'ai juste donné encore une fois, OK, j'ai beaucoup trop de Kleenex dans des petites pochettes, là. C'est fou ce qu'il y a dans une sacoche de fille. Puis là, j'ai dit comme, dans mon anglais approximatif, j'ai aucune idée que ça t'arrive, mais je suis avec toi, genre, j'ai aucune idée de ce qui se passe, mais je vais penser à toi aujourd'hui parce que, écoute, c'était le seul pouvoir que j'avais. On était déjà limités dans notre langage. Puis il y a des fois que c'est juste niaiseux, mais qu'en même temps, c'est bon de le partager. Comme cette fille sortie, c'est drôle, elle était vraiment sortie métro Sherbrooke, puis là, elle pleurait, puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui t'arrive, pauvre chouette. Puis écoute, elle avait économisé pendant des mois pour un piercing, puis il avait pas bien fait la job. Écoute, elle était pas défigurée, là, on s'entend, mais juste que, je sais pas, un petit pas à côté de où c'est qu'elle voulait, puis elle était vraiment triste, puis je te comprends, parce qu'on se sent niaiseux dans ce temps-là, mais écoute, tu sais, moi, en ce moment, je te trouve cute, puis dans une couple de semaines, je suis sûre que ça va être correct. Puis j'ai aucune idée, ça y a fait vraiment du bien. Sur le coup, ben, je crois que oui, tu sais, juste la solidarité. Aussi, ouais, aussi stupide soit-elle, là, ce petit anecdote de vie, fait au moins que c'est déjà moins pire, me semble. Pis là, c'était un adolescent qui pleurait et le simple fait que ça soit, oui, un ado pis qu'il soit mineur pis que je voudrais pas que quelqu'un soit en danger, qu'il soit, je sais pas, il a décidé de sacrer son cadre chez eux. Peu importe, tu pleures en silence, des grosses larmes sur ses joues. Pis là, il t'apprête sur ses larmes. On voit que c'est juste comme par rage de distraction, juste pour changer le mal de place. Et oui, la phrase qui sonne si creux mais remplie d'intention, j'y demande. Est-ce que ça va bien? Et j'ai reçu de l'ironie de poussée de croissance, là. Hey boy! C'était comme, tu penses-tu que je vais bien? J'avais envie de mourir. J'étais comme, ah non, Jolene, recule. Tu l'aides pas, il veut rien savoir de toi. Puis là, j'étais comme, mais je voulais juste m'assurer que t'ailles bien. Puis là, il avait pas eu son livre. Puis là, bref, c'était une question d'attendre. Puis il était pas content d'être obligé d'attendre. C'était, oui, c'est choquant, mais bref, c'était une frustration éphémère. Puis là, je voulais lui dire que, tu sais, c'est pas grave. Puis, c'est correct. Mais il voulait rien entendre. Puis là, j'étais comme, Jolene, ferme ta gueule. Arrête, tu l'aides pas. C'est gênant, là. J'étais triste. J'étais comme, pour toutes les fois où j'ai comme, où je sais pas, je me dis, c'est des petits gestes qui valent rien, mais en même temps que tu dis, au moins, je veux dire, moi aussi, j'en ai reçu des Kleenex d'inconnus. Puis il me semble, je me suis dit, ben, c'est gentil. Puis là, j'avais super honte dans le métro. Puis il y a personne d'autre, tu sais, je veux dire, c'est aussi ça l'indifférence. Tu sais, j'étais comme, tout le monde le voyait pleurer, personne faisait rien, tu sais. je suis sortie un métro avant. Fait que je suis sortie plus loin pour me rendre au School Central juste parce que j'étais gênée la situation. J'étais comme, OK, là, t'as comme, ouais, ça marchera pas. Ça marchera pas. T'es juste à côté de lui puis tu fais, tu comme, y a rien à faire. Alors, non, ça n'arrive pas tous les jours que la magie crowdienne des inconnus dans le métro se passe. Et c'est pas mal le cas samedi dernier. Et pour toi, cher adolescent, qui est juste arrivé plus tard à Laval, je te la dédie, Nuit d'adolescence, Babylone. Passé l'âge de perdre temps dans les rues du samedi soir, la banlieue comme un vieux rêve, c'était parfait dans ma tête. On se rappelle. Ah, sèche tes pleurs, cher adolescent, et j'espère que tu as apprécié Nuit d'adolescence du groupe Babylone. Et oui, j'étais en direction pour le spectacle de Joe McMahon avec Noé Talbot et Frank Custo, mais là, je l'ai complètement manqué, lui. Alors, voilà, j'y arrive. Quelle marche vers Saint-Laurent. Et c'est la première fois que je voyais un spectacle là-bas parce que dans les faits, c'est un magasin de skate et ses accessoires et ses vêtements, mais il y a une véritable scène installée au fond du magasin. Fait que, ouais, il y a la scène et deux portes. Fait que, ouais, j'ose bien croire que c'était les salles de CH, mais qui seront peu utiles pour... pour l'occasion. Mais vraiment, un vrai stage avec les rideaux. Je trouvais que c'était bien organisé. C'était beau. Et quoi que ça aurait pu être direct entre deux racks de t-shirts, ça aurait été pour moi bien sympathique. Mais la seule différence, c'est qu'il n'y avait pas d'éclairage de scène. C'était ceux du plafond. Fait que ça fait en sorte que, oui, ça modifie l'ambiance dans l'optique où c'est moins officiel, étant donné que non, c'était pas des néons, là, mais quand même, c'est un éclairage général dans toute la salle. Et c'est pas la première fois que j'assiste à un spectacle dans un magasin. Et quand je te dis que je te fais même pas la critique de toutes les shows, la preuve, je suis allée voir Orchestre Criminal. C'était janvier-février de cette année. Ils jouaient à l'Oblique. Et je trouve ça toujours... ouais, c'est drôle d'ambiance dans un... Mais déjà, dans un magasin, quand c'est fermé. Et... l'aspect familial, tu sais, arriver là après les heures, l'aspect un peu non officiel. Oui, c'est annoncé, oui, il y avait des posters pour Joe, mais pour la foi, l'oblique, il y a quelque chose de... Des fois, je parle de show puis c'est intime, mais là, ça l'est encore plus. J'avais le véritable esprit que c'était familial. Probablement aussi par le fait qu'il y avait vraiment des familles dans... à l'oblique, parce que j'ai trouvé que l'ambiance était bonne, le groupe était bon, c'était une vraie performance. Mais il y avait une petite fille qui dansait avec ses Lulu, tu sais, elle jouait avec en dansant, puis c'est quand l'occasion que j'ai de voir ça au Club Soda Métropolis. Ah, moins souvent, et je vais pas voir, ok, je ne fais aucune critique de show d'enfant, là, ou en tout cas, en date d'aujourd'hui, fait que ce sera à suivre pour les danses avec des Lulu crowd. Mais ce sera pas le cas pour ni Joe ni Noé, parce que c'est de la famille. C'est pas la famille-famille, mais c'est la famille punk de Montréal qu'il y avait dans la salle. Une très petite crowd, mais oui, j'en ressentais l'énergie de tous ceux qui sont des fidèles à la scène, qui vont être présents au Puzza, qui... Oui, ils vont voir les shows de la scène locale. Alors, on est une vingtaine et c'est fort agréable. Je me suis sentie bien malgré le nombre et surtout le fait qu'on était un peu dispersés. Alors, je suis arrivée vers la fin de la performance de Noé Talbot et... Il nous faisait chanter. Et là, là, là, là, faire chanter le monde. Pas faire chanter comme l'expression, là, on s'entend. Mais reste que quand on n'est pas beaucoup, et même quand on est beaucoup, c'est juste que là, quand on n'est pas beaucoup, ça prend encore plus. Qu'on veut pas tant chanter, tu sais. Ce phénomène de dissociation, c'est fou. Je suis dans la crowd, je fais partie de la crowd. Il dit, on va chanter. Je suis comme, j'abandonne le projet, ça me concerne pas. Ça me concerne, Jolene, t'es dans la crowd, tu vas bien chanter comme tout le monde. T'es qui pour dire que t'es pas dans la crowd tout d'un coup? C'est fou, tu sais, on le fait aussi dans... Bon, là, c'est à petite échelle, mais à grande échelle aussi, en société, on va faire beaucoup de ça, que ça nous concerne pas. Mais c'est pas vrai, on est là-dedans, on est pognés. Il a dit, on chante! Et surtout avec une petite crowd et familiale, ça fait en sorte que tu nommes les gens par leur nom. Fait que c'était quand même drôle de Noé qui fait comme, ouais, allez, Joe Blow, allez, chante avec nous, allez, Bobby Joe, allez, vas-y, tout le monde s'appelle Joe à soir. Mais est-ce que, c'est ça, tu sais, quand tu peux nommer le monde, ils sont comme, ouais, je vais chanter. Ouais, il y a un effet d'entraînement et oui. Puis encore plus que chanter, elle dit, alors on donne la voix, fait qu'on faisait pas juste comme chantouiller ou un peu lip-sync, là. Non, on l'a assumé au complet. J'ai trouvé ça, ouais, très fort. Parce que c'est facile de dire, on va chanter, puis là, pas tout le monde le fait, puis on pousse pas trop ça là en tant qu'artiste, puis on fait comme, oh, tu sais, il chante pas, mais ouais, tant qu'à l'avoir annoncé, il l'a fait au complet. Au début, je trouvais ça laborieux, j'étais comme, hey, vraiment, tu pousses ta loque, puis il l'a fait, puis ça a marché. Fait que, bravo! Bravo! Et non, je pense pas, j'ai pas souvenir que Joe McMahon nous a fait chanter, par contre. Et oui, c'est le chanteur de Smoke on Fire, puis en faisant mes recherches ce matin, parce que oui, là, il allait présenter les chansons de Another Life qui est sorti cette année, mais en googlant son nom, ben, il y a une variété de Joe, mais il y en a aussi un autre qui fait de la musique. Fait que là, les albums se confondaient un peu, fait que si tu es curieux, cher auditeur de CISM, ouais, ça se peut que t'aies des doutes comme moi, mais Joe, il y en a deux, il y en a un qui fait des albums comme ta mère à l'écoute pour se reposer, là, tu sais, zen avec des bruits d'eau. Là, lui, en plus, il y a des ajouts, là, il y a des tonnerres. Là, je sais pas ce que de relaxant dans les tonnerres, par exemple, là, ça. Va falloir me l'expliquer. Mais ouais, fait, j'étais comme, mais mon Dieu, déjà qu'il y a une carrière solo et une carrière avec son Ben, là, je suis comme, ah ouais, pis il fait des albums de bruit. Je doute bien que ce n'est pas la même personne, mais intérieurement, ça me fait beaucoup sourire. Ah, j'aimerais ça qu'il y ait une vie cachée. Et les bonheurs qu'on peut avoir que dans notre tête. Et oui, c'était ce moment-là. Et autrement, dans la crowd, peut-être que justement, cet esprit zen se retrouve tout simplement dans les sets acoustiques de nos chers punks, parce que les tunes, oui, sont douces. Non, ça ne s'énerve pas. Et oui, je m'y attendais. Là, on n'avait pas affaire à, tu sais, des bands qui font dans le folk sale, des trucs, oui, ça arrache, même si c'est acoustique. Non, tu sais, c'est beau, c'est doux. Hey, je te passe un extrait, t'as un peu. My name's Joe McMahon. Thank you guys for coming out. En plus de s'être présenté, ben oui, ça gratte la guide comme ça tout le long du show, puis il jase des anecdotes, oui, ils sont drôles, étant donné qu'il a fait, c'était sa première tournée canadienne, puis il compte des anecdotes de parallèle entre les États-Unis puis le Canada, puis nous autres, on est bien funny. Ça donne, ça rajoute l'aspect intime, parce que oui, il raconte des anecdotes qui viennent juste de se passer, puis la crowd est proche, réceptive. Ça se passe, même si elle est un peu loin de la scène, mais je crois que c'est juste une question de nombre de gens dans la foule. Elle n'avait pas augmenté ou diminué entre les deux artistes. Autrement, ben, dans les petits mouvements, tu sais, comme se tartiner, hocher un peu de la tête. Et c'est le moment où, bon, je veux pas abuser, tu sais, de décrire la foule, tu sais, c'est comme, t'es tranquille, pas faisait des petits moves, mais j'ai réalisé à quel point, moi, j'étais attentive parce que tout le long du spectacle, j'ai eu la tête penchée. Tu sais, sur mon épaule gauche, là, la tête vraiment, vraiment en angle. Je regardais Joe à 45 degrés et je pouvais pas auto-analyser mes comportements de non-verbal. Reste que quand je suis attentive de façon assez générale et j'ai aucune idée pourquoi, là, je penche la tête, mais vraiment beaucoup trop. Tu sais, je regarde de façon oblique, mais je l'ai fait tout le long du spectacle. Alors voilà, je crois que c'est quand même une bonne preuve qu'il y avait quelque chose de captivant dans la performance. Si je me suis pas ennuyée et même si j'étais sur mes deux pieds, bien tranquille, au fond de la crowd. Alors, sur ce, mais non, il y a deux bands, puis j'avais envie de vous en passer parce que pour, ben oui, vous savez, j'aime bien quand ça brasse la musique. Fait qu'on va écouter deux de ces projets, c'est Col Rouge et Fortune Cookie Club. Alors, on va écouter les chansons Couteau et Légitimiser le meurtre. Rends-nous la distance payée, offre-nous ton dos. C'est vrai, je suis malgré mes peurs que je trouve beau. Les vieilles affiches de tournée, le cœur d'éboulement. Si la nuit nous enlève, on se perdra en elle. Je sens l'alcool, le déni, la clope et le meurtre sans honte. J'ai tué l'ado, prenez en peau. Mais clairement pas pire. Rêver c'est de la merde, crois-moi sur parole. Celle que j'ai gribouillée avant de devenir con. Le bruit est à couper au couteau. La naïveté dérange, elle éloigne la peur qui nous change. Yeah. voilà, vous avez entendu de l'album L'Autre, Fortune Cookie Club. Et vous avez aussi entendu leur deuxième EP, Col Rouge. Vous écoutez Critique de Crowd, Trois-Rivières et sa scène musicale. Albatros et le Newspeak, tout ça après les publicités. À tout de suite. Fin de semaine t'as coûté cher et tu veux continuer le party? Eh bien, les petits mardis à 4 piastres à l'Abreuvoir sont là pour toi. Ici Michel Kunta qui t'invite à prendre une petite pause entre deux examens. Au menu, les mardis, drinks et bières à 4$, deux shooters pour 4$, et si tu like and share l'événement sur place, tu obtiens un shooter gratuit. La seule raison pourquoi tu manquerais nos petits mardis à 4 piastres à l'Abreuvoir, c'est si t'es en train d'étudier. Et même si t'étudies, ben, la Bibliothèque nationale est juste à côté. Where you at, guys? Where you at? L'Abreuvoir. Bar et terrasse, 403 rue Ontario Est à Montréal. Bonjour, ici Mara Tremblay, porte-parole de la 23e édition du festival Noël dans le parc. Durant tout le mois de décembre, venez prendre part à plus de 100 spectacles et animations gratuites. Philippe Braque, À la claire ensemble, Karim Ouellette, Antoine Graton, Laura Sauvage et bien d'autres feront vibrer les cabanes du festival. J'y serai moi-même le 23 décembre pour la soirée de clôture. Profitez-en pour acheter votre sapin de Noël dans un des trois parcs ou en ligne à noeldanslepark.com. Venez vous imprégner de la chaleur de l'hiver. À Noël, dans le parc. Vous écoutez CISM 89,3 FM. quelle joie de retrouver mon oncle Serge avec Anonymous pour cette chanson. Les fêtes en enfer, c'est pour nous donner le goût d'aller voir son spectacle du temps des fêtes, mais c'est sold out au Club Soda. Alors, je te suggère soit de vraiment souhaiter un scalper ou que le panel te l'apporte, ou d'aller en région, je crois qu'il reste encore des billets. Et oui, vous écoutez toujours Critique de Crowd et tout plein de belles suggestions. Oui, pour cette semaine, encore beaucoup de spectacles, comme ce soir, Tribute Called Red au Théâtre Corona. Sinon, vendredi, grosse soirée, Crabe à la Salarossa de Bambi's, Ultra Pterodactyl et Nouchou. Tout ça, ça se passe à la Brasserie Beaubien, Beyond Creation. Ben oui, ça se passe au Fouf. Et surtout, chers animateurs de CISM, ceux qui m'écoutent, ben je te le rappelle, il faut que tu sois en studio demain parce que c'est le top 50. Et chers auditeurs, ben je te le souhaite que tu vas nous écouter parce que ça va être très sympathique. C'est toujours bien le fun de se retrouver entre familles de CISM. Et après ça, si tu files pour voir nos faces, tout d'un coup que il y a le party à Brasserie Beaubien. Ah non, c'est le show de ça c'est le show de Nouchou. Non, alors mêle-toi pas de brasserie comme je fais en ce moment. Tu vas à celle de Laurier. Laurier, Brasserie Laurier, CISM. Tout ça en même temps. Et le top 50 commence à 4 heures. Samedi, Eddie Paul va être à l'espace public. Et il y a aussi Cri qui joue au Newspeak. Dimanche, tu vas me retrouver au Fofon électrique parce que c'est The Deligner Escape Plan. Et en même temps, je te le souligne, oui, je vais y être et je vais faire une critique de crowd, mais seulement en 2017. Lundi, il y a Laura Babin au Quai des Brumes. Mercredi, Vulvets à l'ESCO. Là, je vais prendre de l'avance parce que je vous prépare un spécial du temps des fêtes. Ça va être un gros spécial avec Chivi Chivi Records, puis on va parler du Studio B. Ça va être fou. Je pense qu'il va y avoir beaucoup trop de crowd en studio. Alors bref, je vous donne déjà des suggestions pour la semaine prochaine. Jeudi, la Gâchette puis Ville-Gordonnie, ils donnent un spectacle au Piranha Bar. Je crois que je vais y être parce que ça va être plaisant. Alors voilà, c'était toutes mes suggestions pour cette semaine. On va continuer en musique avec les chansons du palmarès francophone de CISM. Avant justement de vous parler du Newspeak et d'Albatros et du Rockstage Café. Alors, palmarès francophone. Ah, il me fait bien rire et son spectacle était fort excellent. Au Divan Orange, je le mentionne, je pense que c'est dans mes spectacles préférés de l'année. Gab Baquet avec la chanson Diamant, c'est 18e position du palmarès. Et ça va continuer avec Vapeur, 6e position avec la chanson L'Aquarium. Sort dans les clubs qui la branchent. Au lieu de la voir faire sa danse devant des cons qui s'en branlent, son corail dans la brume, entre les vagues de sa nuque, je suis son pédoncule, je suis le ton sur son sucre, sans phare sur le bout. Elle retouche son maquillage. Bientôt les boules miroirs toucheront son coquillage. Elle se repartume à l'autel sur la Bible. Des cierges qu'elle allume de sa robe invisible. Ce soir je l'adore quand sur mon corps elle se penche. Enfin je vois sa peau blanche et j'entends chanter les anges. Son bronzage sur la dune, à l'ombre de sa lune, les yeux dans la lagune, à chacun sa chacune. Ses rêves sont sur le trottoir où elle côtoie toutes les stars. Les limousines qui passent et les caniches qui aboient. En haut du building de verre, elle a perdu l'équilibre. Elle a remis à l'envers sa robe invisible. Elle ne fait plus l'étoile de la pénombre à l'aurore. Précieuse comme le cristal qui ne dure qu'un instant. Se couche le doux soleil d'or sur les plages d'argent. Collier de diamants. le cristal qui ne dure qu'un instant. Se couche le doux soleil d'or sur les plages d'argent. Elle porte seulement qu'un collier de diamants. Qu'un collier de diamants. Qu'un collier de diamants. Qu'un collier de diamants. Critique de Crowd, Jolene Ruet, CISM, le 89.3 FM. Et, ben ouais, je parle, c'est Zone de la marche. Puis, dernièrement, après coup de cœur francophone dans le métro, je vous avais conté, chers éditeurs, que j'étais tombée sur une bande de Français qui m'avait invité à danser au Newspeak. Et sûrement que c'est en lien avec mes dernières émissions, justement, je m'intéresse à la scène électronique, puis je m'étais quand même promis de m'aventurer davantage dans ces lieux, dans ces repères électro. Alors, c'était comme un gros timing. En plus, ben oui, d'avoir, moi, des amitiés éphémères de crowd. Alors, j'ai dit, allons-y gaiement. Et ce soir-là, au Newspeak, c'était... Laissez-moi regarder sur ma petite feuille. C'est Concrete, des organisateurs, et comme DJ Billy Kenny, IU, White, Marc Aurel. Là, c'est le moment où je peux pas être d'autre chose que franche. J'ai vraiment aucune idée qui c'est que j'ai vu sur stage. J'arrivais vers une heure et demie du matin peut-être. Et ben ouais, au nombre de DJ et la durée. Et ça se présente pas beaucoup, hein, ce monde-là. Tu sais, déjà les bands, tu sais, déjà rocker. Rocker, des fois, tu mentionnes une ou deux fois c'est quoi le band, c'est quoi ton nom. Sauf quand t'es vraiment connu, puis il y a une petite grosse banderole en arrière de toi avec ton nom, là. Puis quand t'es connu, tu sais, on n'a plus besoin de banderole parce qu'on sait t'es qui. Bon, ben, bref, des fois, on peut assister à un spectacle un peu sur le tard ou dans l'anonymat du groupe. Mais pour les DJ, je trouve que c'est comme encore pire. D'autant plus que, oui, j'avais beau être bien entouré ce soir-là, ils connaissaient pas plus des DJ que moi. Déjà, il m'avait averti, ah oui, ça va être du techno vraiment minimaliste. Et c'était pas tant minimaliste, c'était très accrocheur, très dynamique. J'ai vraiment adoré le beat, là. Je pense que je suis restée plus longtemps durant la soirée parce que vraiment, c'était dansant, c'était animé, c'était accrocheur comme musique. Fait que là-dessus, c'est des belles découvertes. Je vais vous passer quelques extraits à la fin du topo. Sinon, Newspeak, c'est pas la première fois que j'y vais. Ça ressemble encore à l'Underworld parce que oui, vieux punk, jeune punk ou juste nostalgique, effectivement, c'est les mêmes locaux que l'Underworld. Mais ils ont rajouté des différences dans la décoration sur le côté, là, en face du bar, place un peu plus lounge. Ben, bref, tu peux t'asseoir ou t'écraser ou vraiment te coucher. La place est assez large. Il y a un gros bain en décoration, ça, je l'ai toujours pas compris. Et voilà, sinon c'est assez ressemblant étant donné que ben, c'est le même lieu et c'est tout aussi en noir. C'est noir! Et, oh mon Dieu! Là, il y a peut-être du monde, ça va zéro les faire réagir. Et d'autres qui ont ou qui œuvrent dans le milieu du bar, du festival, n'importe où ils vendent de la boisson. Ben, c'est... Un sujet pas épineux, mais bref, ça peut amener certaines passions. Le sujet étant les Français qui veulent se dealer des gratuités. Aïe. Parce que c'est vraiment une question culturelle. C'est drôle parce que avoir accueilli un ami français l'année dernière, il m'en parlait justement. Lui, il travaillait dans un festival. Puis, des fois, il en donnait, il en payait des bières parce que les gens lui comptaient des blagues drôles pour se faire servir ou pour avoir des rabais, des réductions. Puis, juste le fait qu'ils ont été camarades, il fait « Ah ouais, je te la paye ». Mais au Québec, on n'a vraiment pas cette tradition-là de barguiner. Fait qu'à chaque fois, ça peut créer des malaises ou vraiment des barmans ou des employés de bar qui peuvent être un peu choqués. Et je suis avec mes amis d'un soir français. Puis, à l'entrée, moi, j'avais déjà acheté mon billet parce qu'il était en bas à l'entrée, il fumait. Puis, moi, j'ai acheté mon billet. Fait que bref, j'ai payé le plein prix. Mais eux autres, ils avaient envie de barguiner. Et d'ailleurs, avant minuit, c'était 5$. Puis, après minuit, c'était 10$. Fait que là, j'ai fait, oh non, essayez-vous pas. La fille, elle doit être fatiguée. Ça marchera pas. Bah, finalement, ils l'ont eu. Ils ont payé 7,50. Et j'avoue que c'est la première fois de ma vie que je vois un Français réussir à barguiner. Puis avec la fille, le fait aussi, comme avec le sourire, ça avait l'air sympathique. Mais j'ai tellement d'anecdotes d'employés de bar, de barmaid, barman, qui sont juste comme... Ils savent plus comment dealer cette différence culturelle-là. Fait que, ouais, j'ai été comme heureusement surpris que ça marchait puis ça s'est fait dans la joie et l'allégresse. Fait que déjà, en partant ma soirée est déjà unique et spéciale. On arrive au Newspeak. Ben oui, on est déjà dedans. Mais je veux dire, c'est la piste de danse. Fait que pour ceux qui connaissaient aussi l'Underworld, ça n'a pas changé là-dessus. Oui, le bout de DJ était plus haut, plus installé que tout simplement la scène qui était là à l'époque. Mais c'est la même disposition pour le fond de la salle. Ben, c'est la piste de danse. C'est quand même assez séparé. Et c'est pas tant... tant crowdé. Au début, je me suis dit, on doit être encore au début de la soirée. 1h du matin, il reste 2h. Est-ce la fin de la soirée? C'est toujours dur à dire, hein? On sort, j'ai l'impression qu'on sort de plus en plus tard. Fact, le fashionable late. On sait plus il est à quelle heure. C'est comme, à 2h45, c'est pas mal à ce temps-là, je suis partie, je fais, bon, je pense que là, on a fait le tour. Surtout, il n'y aura pas du monde qui va arriver pour les 15 dernières minutes. Peu crowded, mais ça laisse l'espace à de plus grands mouvements. La disposition de la foule va beaucoup varier aussi. Question de clics d'amis, évidemment, mais aussi d'intensité. C'est drôle comment j'ai eu cette impression-là à quelques reprises que, dépendamment la façon que pouvait interpeller le DJ, surtout par la musique, pas vraiment par des micros, mais que les gens se rapprochent. Comme dans un show de musique, mais en tant que tel, danser, c'est vrai que tu peux le faire, ben pour toi-même, tu peux le faire un peu partout dans la salle. Je dis ça aussi parce qu'il y avait un gars, oh mon Dieu, ça c'est toujours, t'as envie de le regarder, mais en même temps, tu veux pas trop l'épier. Le gars qui a beaucoup trop de technique, ah, il danse, là, mais lui, là, c'est un professionnel. Il a les moves, puis il sait comment les appliquer. Il est d'une fluidité et d'une exactitude dans ses mouvements, là, c'est tight, tight, tight, tight. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il danse tout seul. Oh, ça, c'est correct. Mais il danse tout seul face au mur. Mais c'est pas comme si c'était une habitude de foule, dans le sens où c'est aussi la seule personne qui va danser face au mur. Et on va comme... Ah, ben, visiblement, il danse vraiment, vraiment pour lui. Autrement... Est-ce qu'il y a énormément d'interactions entre les gens dans la foule? Est-ce qu'on a plus affaire à une crowd qui, ouais, s'intéresse au DJ, à la musique électronique en général, ou on a plus la part clubée? J'ai envie de dire peut-être plus clubée, mais étant donné peut-être les préjugés qu'on peut avoir envers les clubs et danser collé, puis la crouse, puis ah! Tu sais, cette ambiance-là que beaucoup de gens détestent et la raison pour laquelle ne vont jamais danser dans ce genre de lieu public, je l'ai pas tant retrouvé non plus, ou du moins rien d'hyper agressant pour les hommes et la femme des pistes de danse. Mais ouais, pas tant, même que j'ai remarqué deux twerk, mais c'était en fille et en blague. Alors, je crois que c'était moins pas mal de danse à prendre au deuxième degré. Dans les gens à prendre, ben, peut-être pas au deuxième degré, mais à un autre niveau de compréhension, c'est les gardiens de sécurité. Il y en avait un. Ah, ça n'a pas de sens. Je l'ai douté toute la soirée. Il y avait un gars, il était à côté, après le poteau. Puis moi, j'étais comme trop expéditive. Je voulais pas attendre après le vestiaire. Fait juste traîner mon manteau puis mon sac. Mais en même temps, ça fait en sorte que le restant de la soirée, tu deviens obsédé de tes biens matériels. Là, j'étais juste en train de me dire, ah non, faut pas que je me fasse voler. Comme si quelqu'un voulait voler mon coton ouaté de Black Dahlia Murder, tout troué, tout laid. Tu sais, personne le veut. Même dans ma tête à moi, je suis comme, ah mon Dieu, tout d'un coup que je le perds, ce serait la fin du monde. Fait que bref, je watch sans arrêt, j'avais collé sur le poteau. Le gars, il s'accoude. Ben, fait, OK, c'est correct, c'est tranquille. Mais il s'accoude là toute la soirée. Je dis, voyons, c'est bien bizarre aussi. Il veut me voler. Et je suis comme, ah ouais, c'est clair. Il a vu ma sacoche est en cuir. Et je trouvais ça drôle quand même. Il a bu la même bière toute la soirée. Puis c'était une bec, puis il la mettait dans sa poche. Il disait, ah, et non! C'était pas... Surtout, il y avait un gars qui faisait un peu le relais, qui allait voir s'il allait bien. C'était un gardien de sécurité, mais pas habillé en sécurité. C'était assez flagrant, parce que sinon, c'est impossible de rester devant la piste de danse vraiment passif et à surtout têter une bière et à vraiment s'adresser aussi à personne, à part critique de crowd qui pourrait observer la foule avec beaucoup de distance, mais avec justement une raison extérieure à autant d'une attitude étrange. Ben ouais, c'est le fait d'être un gardien de sécurité. Mais pendant très longtemps dans ma soirée, t'auras surtout été l'homme mystère qui voulait étrangement voler mon coton ouaté troué. Alors voilà, c'était mon expérience au Newspeak avec les soirées organisées par Concrete avec Billy Kenny, IU, White et Marc Aurel. Je vous passe un extrait de Marc Aurel, j'ai bien aimé, mais encore une fois, c'est tellement ingrat les extraits parce que allez voir son Mixcloud, son Soundcloud, c'est tout le temps des mix de 1 heure, fait que vous passez 10 secondes. Ouais, c'est un aperçu. Fight. Ben, tant qu'à vous passer de la musique de beat, j'avais aussi de rendre hommage à la piste de danse. Alors, pourquoi on danse, faudrait faire la vaisselle? C'est pas facile d'oublier. Hey, prends-moi si tu prends le large. Je pourrais être tout seul à danser sur le rivage. Oh, une flotte c'est faite pour porter. Mais la bain comme faux, faut qu'on retourne en flamme et yeah! Hey, pourquoi on danse? Pourquoi on danse? Pourquoi on danse? chers auditeurs de CISM, vous venez d'entendre de la musique, effectivement, sur des ondes FM, c'est fort agréable. Pour les titres des chansons, allez, après 4 heures, oui, à la fin de l'émission, tous les titres vont se retrouver sur le site de CISM, cism893.ca. C'est bien agréable parce que je vous garde du mystère et ça vous donne bien l'occasion d'aller visiter le site. Vous écoutez Critique de Crowd avec Jolene. Et pour ceux qui sont habitués de l'émission, je le mentionne de temps en temps, mon lieu de naissance, Trois-Rivières. Ben oui, c'est pour ça que je diphtongue même en prononçant Trois-Rivières ou hier. Et même si je n'y habite plus, j'y retourne de temps à autre, ce qui me donne aussi l'occasion de retourner voir des spectacles. Et oui, je fais de la discrimination positive en quelque sorte parce qu'on m'invite parfois à des spectacles à l'extérieur de Montréal, puis là, je me mets à devenir toute blême, puis je griche des dents. Là, je suis comme, hey boy, ça va être loin à pied, cette histoire-là. Ouais, c'est pas le truc qui m'enchante le plus d'aller loin et d'être loin de la STM, mais justement, Trois-Rivières est favorisé puisque j'aime bien retourner aux sources. Par contre, eh boy. Parce que la différence, c'est que j'ai discrimination positive dans le nombre de fois que je peux aller voir des spectacles à Trois-Rivières, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je suis élogieuse envers tous les endroits de la Trifluvie. Et Trois-Rivières qui a été quand même florissant dans la dernière année avec beaucoup d'ouvertures de salles et dû le nombre, il y en a que certains, leur vie est un peu moins certaine. Je pense au Tipetac sur la rue Royale. Ouais, il y avait des rumeurs comme quoi ça allait fermer. Même, je pense que le spectacle de Guérilla Poubelle pour cet automne était supposé être au Tipetac. Finalement, il va être au Satire qui remplace le Maquisard et qui a remplacé le Maquisard de façon tout à fait proprette. Là. Fait que je suis quand même étonnée qu'il y ait un groupe punk qui va se présenter à cette salle-là. Alors oui, il y a des possibilités de jouer de la musique. Et jouer de la musique bruyante, ça s'est avéré parfois compliqué parce que les salles étaient moins propices à la chose, comme je viens un peu de vous expliquer. Mais il y a toujours eu ce lieu, au Câble la Madeleine, qui a toujours été accessible, ouvert à la brutalité, à des sons différents. Le... le Rock Café, le stage. Ah là là là là. Je me sens un peu gênée parce que j'y suis allée et je regardais pas un si bon souvenir non plus du Rock Stage. C'est pas un lieu qui m'a énormément marqué. C'est un peu pas propre, c'est un peu cabochon, c'est un petit peu n'importe comment. Ça n'a pas changé. Et, ah, mon Dieu, même quelqu'un dans le public qui a parlé de ce lieu en disant « trop à ras ». Je me serais jamais permis l'expression. Je me le permets en onde, mais je ne fais que surtout que paraphraser des gens qui sont habitués du lieu, mais qui ont aussi un certain jugement. Ils y vont parce que c'est une des rares places qui a une variété de spectacles qu'on veut, aller plus dans la marge musicale. Rock... café, le stage. T'arrives là-bas, ça a l'air pas mal de rien. Il y a une grosse affiche à l'entrée qui devrait être un peu comme une marquise, mais il n'y a jamais rien d'écrit dessus. Le spectacle n'était pas annoncé. Il n'y a jamais de spectacle annoncé. J'étais certaine que c'était fermé dû au manque de lettrage à l'avant. Et aussi, pour tous ceux qui ont des problèmes avec la réglementation, avec les terrasses, particulièrement à Montréal, le Rock... le Rock Café, le stage, a une terrasse avec comme deux chaises, deux tables. Arrange-toi avec ça, public. C'est un peu, ouais, c'est un peu... normalement, je dirais bonne franquette, mais il y a tellement quelque chose d'un peu glauque que ouais, je sais pas comment le définir comme il faut. Ben, quand tu rentres, c'était d'une chaleur suffocante. C'était l'enfer. Oui, chaud comme l'enfer. C'était épouvantable. Et les choses n'avaient pas changé. Le stage, toujours à la même place. Encore une fois, la peinture, noire, pas très rafraîchie. Un deuxième étage qui ressemble à un balcon avec ces espèces de poteaux en bois qui ressemblent vraiment à, ouais, à des clôtures de maison. Je trouve ça quand même drôle. Et... qu'on n'y a jamais accès, je crois que c'est simplement les éclairages qui sont là. Je gardais des bons souvenirs étrangement de cette étrange clôture en bois, puisque avoir déjà vu des spectacles où j'avais pu body surfer à l'époque, je me rappelle m'être agrippée au poteau pour pouvoir me balancer, faire des acrobaties. Je crois que c'est le début d'une grande passion que les acrobaties en spectacle grâce au Rockstage. Le Rock Café... ah, je suis tout le temps en train de le défaire, son maudit nom. Le Rock Café, le stage. Oui, j'ai quand même eu certaines expériences ouais, crowdienne là-bas. Mais c'est plutôt, je sais pas, c'est l'ambiance, le fond du bar. Les toilettes ont jamais été rénovées, là, déjà en partant, oui, c'est au fond du bar. Ils sont vraiment n'importe comment, puis ça a toujours pas été arrangé. Ça, ça va, je trouve toujours que ça donne un certain cachet, des toilettes tout croches avec des graffitis dedans. Mais il y a comme une section que j'ai jamais été certaine si c'était... le backstage ou les loges, c'est pas clair. Il y a toujours comme la table de merch qui est juste avant pour bien la délimiter avec des divans. Ouais, je crois que ça appartient aux artistes. Ça a l'air attrayant, mais tout le monde se gêne pour y aller, même les artistes. Fait que va comprendre. Il y a une espèce de fatras à côté du bar, plein de trucs un peu pêle-mêle qui peuvent servir au spectacle. Mais je crois que ce qui me marque surtout, c'est le bar en tant que tel. Parce que... il y a même un menu de restaurant, du resto en face, tu veux commander, qui est tout le temps collant en permanence. Les petites bouchées que tu peux comme commander, ouais, un peu fast-food que le gars au bar peut te faire, puisqu'il y a un mini-grill, puis d'autres accessoires de cuisine qu'on pourrait retrouver à la maison. Là. C'est très... je sais pas comment dire, mais c'est pas du tout commercial. Là. C'est vraiment bonne franquette dans cette optique-là, mais ça me laisse comme un peu des doutes. Je me dis, ah, c'est quand même pas... Ben oui, c'est pas une franquette! et là où ça le sera d'autant plus, c'est que le barman, oui, il peut te cuisiner un petit quelque chose sur le fly, oui, il va te déboucher ta bière, mais c'est aussi celui qui s'occupe du son, puis de la lumière, puis de la boucane. Le gars, il fait tout en même temps. Je crois aussi que c'est comme le gérant, le propriétaire de la place, mais ça crée, ouais, une espèce d'ambiance de « je suis pas chez lui ». Mais il est drôlement familier avec l'espace. Tout y appartient. Il est maître du monde au Rock Café, le stage. Et ouais, ça va être devant une petite foule, mais quand même, je dis petite, mais la disposition va faire une différence. J'en reparlerai un peu plus longuement. Que je suis allée voir cet été, Nouchou avec Albatros et Goudron. J'ai manqué Goudron. Et Albatros aurait été vraiment une découverte pour moi. Je suis vraiment heureuse d'y être assistée. Et je connaissais déjà Nouchou, alors je suis bien heureuse de les avoir vus en performance. Mais ouais, le lieu, quel lieu. Je sais pas si je vous invite à y aller ou je sais pas si ça vaut pas le détour. Ça. Faut être franc, là. Faut quand même se le dire. Il a un cachet sans nom. Ben ouais. Je veux dire, ouais, ça va se terminer là. Fin. Tu sais, je veux dire, ceux qui trouvaient que le café chaos c'était pas propre, je trouve que, non. Le café chaos, sérieux, c'était propre. Fait que ce sera ma comparaison pour ceux qui sont Montréalais et qui ne sont jamais mis les pieds dans la Mauricie. Alors sur ce, ben ouais, on va continuer en musique. Musique! Yeah! boîte dans l'Europe, c'est la santé. Ce soir par des concerts, ils mettent leurs spades, ils vont en l'air pour le tel pour la ligne. C'est un peu marathon, une séance de bronzage, car ils veulent garder leur forme. Ils sont professionnels, c'est fini les excès. Ils montent sur la scène, ils me boxent sur le ring. Pour donner un spectacle qui bouge et qui balance. Pour être sérieux, croyez-en leur expérience. Pour moi c'est nos culs, ils sont riches et serrés. Nous pauvres et malheureux, inconnus, ignorés. On va pas tout comprendre qu'il fallait s'arrêter. Pensez à l'avenir, prends soin de sa santé. Critique de Crowd. Ben oui, vous écoutez Critique de Crowd, qui est peu d'actualité. C'est un spectacle que j'ai vu cet été, au mois d'août, même le début août, à Trois-Rivières. Fait que oui, ça a été ma découverte estivale, Albatros, groupe hardcore punk avec 8 membres et surtout beaucoup de cuivre. Je crois que c'est aussi ce qui fait la distinction de ce groupe de Québec. J'ai trouvé ça bien intéressant et ça comblait bien l'espace. Quel drôle de commentaire! Ouais, parce que ils ont tout simplement décidé de pas jouer sur scène au Rock Café, le stage. Le nom le dit, le stage. Il prend de la place. Il est entouré de la vitrine, fait que tu peux aussi jouer pour les gens qui traversent la rue. Et je sais pas quel était leur choix exactement, mais bravo! vraiment, j'ai trouvé ça astucieux et surtout intéressant pour le public, le fait d'avoir été au parterre, proche, oui, du public qui pouvait l'entourer. Ça a été un demi-cercle de crowd parce que, oui, pas le choix de le mentionner, on était quoi, une dizaine? Fait que nécessairement, ça avait été un spectacle, disons, présenté de façon plus classique. Ça aurait pu, ça aurait pu avoir l'air drôle. Tu sais, on est tous là un peu crapés, là, l'espace entre les gens quand on n'est pas nombreux. Tandis que là, j'ai trouvé que ça faisait un espace plus intime pour la performance et que le fait qu'on s'énerve ou non était moins... J'y accordais moins d'importance juste par rapport à la disposition, le fait d'être vraiment placé en demi-cercle, un peu comme une pratique. C'est drôle parce que Jonathan Gad, j'ai beaucoup parlé de sa performance, comment je l'avais apprécié cet été à l'ESCO, comment la crowd l'entourait. On n'était pas du tout dans la même ambiance. Je pense aussi que l'effet de lumière ajoute la différence dans sa mise en scène, si je peux me permettre l'expression. Quand même, mise en scène, ça sonne officiel. Enfin, il y avait un aspect un peu plus... et aussi, le Rockstage Café amène le « Bonne franquette! » Ah, c'est sûr que ça pouvait pas faire d'autre chose que « Bonne franquette ». Mais cette fois-ci, dans un bon côté, quelque chose... comme une grosse pratique, une bonne pratique d'un band dans son local, d'être aussi proche, aussi coincé dans le lieu avec eux. Ouais, il y avait un peu cette ambiance-là. Dans la foule, c'est assez varié, puisqu'il y a, dit de même, il y avait un enfant. Il y avait un enfant assis sur le comptoir. Non, ce n'est pas un bar, c'est vraiment une salle de spectacle, d'où le fait qu'on peut se permettre d'amener nos gentils petits garçons et gentilles petites filles. Il y avait aussi un chien. Ça, je sais pas les règlements là-dessus, mais bref, il était le bienvenu, quoi qu'il volait un peu la vedette. Tu sais, des fois, il s'en allait sniffer le monde. Fait que là, il était « Ah, le beau chien! » Le monde, il arrêtait de checker le spectacle juste pour y faire des câlins. Même à un moment donné, dans le spectacle, il y a un des musiciens qui a dit « Tant que le chien, il est content pis qu'il aime ça, on est heureux, nous autres, avec. » Fait que je me suis dit, le chien, il a vraiment gagné sa crowd. Plus que les enfants. « Bah! » Sinon, couple, je dis couple, mais écoute, je les ai pas assez observés, je les ai pas épiés à ce point-là, mais il y avait un duo de chandail Burzum. J'ai trouvé ça drôle, je me suis dit, est-ce dû au hasard? Est-ce des amis? Est-ce un couple qui s'agence? Tu sais, d'habitude, on trouve ça drôle, un couple qui s'agence puis qui met du linge qui fit ensemble. C'est bon, les kits qui fit, ça fit, les fit qui quittent, mais... on trouve ça un peu quétaine. Je dis « on » là parce que personnellement, moi, je trouve ça cute. Mais là, cette fois-ci, je savais pas trop comment le gérer. Je me suis dit « on te fait exprès ou non? » Quand t'es mélomane et que, mettons, l'amour de ta vie aime les mêmes genres que toi, est-ce que vous êtes obligé de vous ostiner en spectacle? Qui c'est qui achète le T-shirt? Qu'est-ce que vous habillez pas tout le temps pareil? » Je sais, c'est peut-être pas un dilemme de couple que beaucoup de gens affrontent, là, mais si vous le vivez, n'hésitez pas à envoyer vos histoires de vie à Critique de Crowd. Facebook de Critique de Crowd est prêt à recevoir vos histoires de couple et de gaminets. Alors, sur ça, ben oui, il y a eu quand même un peu d'énervement, puisque une fille qui, au lieu de faire juste air guitare, étant donné la variété d'instruments, j'ai l'impression qu'elle a fait du air tout. Alors, air tout et tout, mais de façon sporadique, elle n'était pas comme constamment en train d'imiter un instrument, là. Elle y allait par vague et par inspiration. Et la personne la plus énervée, parce que oui, je pense que je le spécifie trop, mais il faisait tellement chaud. C'était suffocant, là. Sérieux, ça n'a pas d'allure. Je sais même plus s'il y avait un ventilateur, sinon il faisait juste comme des... ils envoyaient des petits crachats de potentiellement de vent, là, mais si peu. Et... moi, la seule personne qui s'est énervée est vraiment comme un bond de crapaud de son tabouret au bord. Il a fait une espèce d'aller-retour un peu attitude mâcheur dans un show hardcore, mais en ligne. T'sais, d'habitude, c'est dans le pit, c'est en cercle où ça va être des mouvements un peu sur place. Mais là, c'était un aller-retour plutôt brutal, un peu crapaud aussi dans ses mouvements, là, les genoux bien penchés. Puis il est revenu à sa place. Puis ça a été tout. Ben oui. C'était assez surprenant. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça libre surtout. Tu sais, vraiment, il l'a senti pour le faire. Parce que ça n'a pas engendré d'autres actions dans la crowd du tout. Puis ça n'a pas eu l'air trop étrange. En tout cas, moi, je trouve ça bien sympathique. Et finalement, comme clou du spectacle, Ça, c'est parfait. C'est parfait. Il y a juste le Rock Café, le stage qui peut faire ça. Le Ben, il dit au gars du bar qui fait tout, il dit « Ah oui, c'est le moment de la boucane! » Fait que le gars, il part la boucane. Fait que il a sorti la petite manette. C'était une manette, comme la manette de ton DVD. Poup, poup, pouf, plein de boucanes. Hey, ça, c'est un moment. Surtout un moment de le vivre comme les coulisses de la boucane en direct. J'ai trouvé ça parfait. Ouais, alors, merci pour ça. Hey, on va écouter. Ben oui, on va écouter Albatros, que c'est ça. Fait qu'on va écouter drette là, sur les ondes de la mer. Yeah. Vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20 % de réduction sur l'abonnement au CEPSUM. Visitez le cepsum.umontréal.ca pour tous les détails. Inscrivez-vous dès maintenant. Oh man, moi c'est Joël Martel, de Martel Solo et des patates impossibles. Tu es en train d'écouter CISM 89,3 FM. Hey, salut les jeunes, salut les jeunes. Hey, salut vous autres, mesdames, messieurs, merci. Et toi aussi, le gars. Hello! C'est pas juste fait pour les petits casques. Je suis enceinte. Ouais, c'est moi, Séraphin. Ici Jean-Pierre. Maxime Auclair. Pierre-Luc Massé. Se sont parlé de nos soldats qui sont morts avec fierté pour la patrie. Salut, c'est Fred Fortin. Vous êtes toujours à l'écoute de CISM 89,3. J'aimerais juste une fois m'envoler, seulement pour te voir la gueule. Bonjour, ici Mara Tremblay, porte-parole de la 23e édition du festival Noël dans le parc. Durant tout le mois de décembre, venez prendre part à plus de 100 spectacles et animations gratuites. Philippe Braque, À la claire ensemble, Karim Ouellette, Antoine Graton, Laura Sauvage et bien d'autres feront vibrer les cabanes du festival. J'y serai moi-même le 23 décembre pour la soirée de clôture. Profitez-en pour acheter votre sapin de Noël dans un des trois parcs ou en ligne à noeldanslepark.com. Venez vous imprégner de la chaleur de l'hiver. À Noël, dans le parc. Yo, c'est Sims ici, vous écoutez CISM 89.3. Alors, j'en ai passé des affaires dans le monde de la musique en 2016. Du monde qui rentre, du monde qui sort. Ceux qui sont pas morts sont tous revenus. On pensait que c'était ça que c'était, hein? C'est pour ça que le 16 décembre, de 16h à 20h, CISM va vous montrer le meilleur de ce qui s'est fait en musique cette année. Ça que c'était! Les 50 meilleurs albums franco de 16h à 18h et les 50 meilleurs albums anglo de 18h à 20h. Gros mandat! C'est pour ça que je me suis entouré de la meilleure gang de capables. Annie Calonia, Étienne Gallarneau, Oliver Vinette et Benoît Poirier, puis tous les animateurs de La Marge qui viennent parler de leurs albums préférés de l'année. Découvrez l'aventure au top 50 de CISM. De 16 à 20 heures, le 16 décembre prochain. J'espère vraiment qu'il va y avoir au moins une fille dans le top 5 cette année. Salut, c'est Saratoga, vous écoutez CISM. Toutes les sorties de route ce soir mènent à toi. Le motel et la place à tes côtés sont vacants. Les jeux sont ouverts, la chance nous reçoit. Comme si on était dû pour se perdre au même endroit. Tous les jeudis dès 19h, c'est la session live dans les studios de CISM. Le jeudi 15 décembre, la session live reçoit Le Havre.